Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, diverses et variées, Lost in Space attaque immédiatement, il est 21h, on est ensemble jusqu'au tout début de la nuit, après minuit, et l'émission d'aujourd'hui va être consacrée dans un premier temps à un bouquin qui m'a été offert par une personne qui m'est très chère. Ça s'appelle Les Chérubins électriques, écrit par Guillaume Serpe, alors personne ne le connaît bien évidemment. Guillaume Serpe, c'était un pseudo, c'était le chanteur d'un groupe New Wave, jeune romantique du début des années 80 en France, qui s'appelait Modern Guy. Ils n'ont fait qu'un ou deux albums, si ma mémoire est bonne, et le chanteur, donc Guillaume Serpe, qui s'appelle Guillaume Israël, là aussi, si ma mémoire est bonne, et a écrit ce livre, et il n'a pas pu en écrire beaucoup d'autres, vu que le malheureux s'est suicidé quelques années après, mais vous allez voir, des fulgurances que l'on retrouve dans la musique se retrouvent aussi dans un texte qui est un peu azimuté, et il va nous accompagner tout au début de la soirée, mais avant, c'est le début de la musique avec les US Bombs. Allez, c'est parti, vous êtes bien calés sur le 100 FM, votre dose de rock'n'roll dominicale. Bring the beer, it's a late, late shift, no one to fear. Ride, ride, Cassandre jouait avec le zip de son pantalon. Elle m'attendait seule à la terrasse du fleur et plongeait parfois ses lèvres dans un coca-fraise. Sans doute rêvait-elle d'être Marilyn Monroe. La faune hétéroclite et appliquée de Saint-Germain la distrayait un peu. Chassée à coups de strass et de talons aiguilles, les débuts d'angoisse que provoquait en elle mon retard. Elle avait toujours eu un peu peur que je la quitte sans un mot, sans un regard, que je l'abandonne pour l'une de ces filles qui tournait autour de nous, me gratifiait d'un sourire commercial et disparaissait pour revenir plus aguichante encore. Cassandre était beaucoup moins sûre d'elle et elle ne le laissait paraître. Je Il est vrai que je lui avais dit un jour, je n'attends rien de toi, alors n'attends rien de moi. Je ne t'aime pas, je ne te hais pas, un jour je m'en irai. Ou quelque chose d'approchant. Yeah. Quand j'arrivais, son visage devint aussitôt radieux, et je suis sûr que ses yeux brillèrent. Mais très vite, très fière, elle réprima son élan et m'accabla de reproches cinglants. C'est avec beaucoup de plaisir que j'entrais dans le jeu la tête basse. Cassandre était infiniment supérieure aux autres filles, en cela qu'elle savait, du moins le croyais-je, jouer plusieurs rôles à la fois, tout en restant parfaitement lucide et distante. Sachant que je resterais moi-même également lucide et distant. Le zip de son pantalon crissait comme un orage qui se serait trompé de film, et je lui fis des excuses qu'elle accepta. I hold my pony. I hold my pony. I hope my pony knows the way back home. I've seen it all, boys. I've been all over. Been everywhere in the whole wide world. I rode the high line with old Blind Tommy. Slow without a chance. La soirée de la veille ressemblait à toutes les autres soirées. Elle avait commencé dans une boîte et le matin s'était levée dans l'appartement d'un type entre deux âges, un peintre à qui l'on avait suggéré de faire une partie dans son charmant pied-à-terre à deux pas du Champ de Mars. Le type était saoul, ravi de se voir entouré, il avait du blé, acheta des bouteilles et paya les taxis. On s'est retrouvé à 30 ou 40 chez lui. Partout, des statues déguisées dans les couloirs et une baignoire pour chaque chambre. Thank you. Quelques-unes de ces toiles étaient encore accrochées à leur chevalet baroque. Il n'eut pas besoin de nous exhorter à cracher dessus. Il riait de toutes ses dents jaunies, incapable d'inspirer aucune pitié. J'avais balancé une fille dans la baignoire et je lui avais renversé un pot de gouache sur la tête pendant qu'elle criait. Son petit ami avait voulu me casser la gueule, mais il s'était fait sortir, minable, au bras de sa copine qui agrémentait ses pleurs de hoquetements hystériques. Le peintre déclamait du Shakespeare tandis que son auditoire affalé écrasait méthodiquement des cigarettes sur les coussins indiens. We'll be right back. Il était tout affriolé par nos tenues et nos propos. Ça lui rappelait sa jeunesse. Il se sentait très proche de nous, malgré sa calvitie et ses dents jaunes. Cassandre allumait des garçons et les giflait quand ils essayaient de l'embrasser. Moi, j'avais repéré une fille potable et je lui racontais ma vie en lui passant les mains autour de la taille. Elle dit que j'étais trop jeune et s'en alla pendant que Cassandre discutait de littérature allemande avec le peintre. Step by step, you gotta take it. Step by step, you gotta. J'enfilai mon manteau et je sortis. Dehors, il faisait presque jour. Je restai longtemps appuyé contre un arbre à compter les soleils avant de me réfugier chez un copain qui habitait tout près pour dormir. Yeah. Les rôles qui me faisaient tenir Cassandre, héros romantique, détective alcoolique de série B, aristocrate morphinomane, étaient exaltants. Je lui devais beaucoup. Souvent, comme toutes les filles de la bande, elle disait qu'elle me méprisait et me traitait de parasite prétentieux. C'était de l'amour brut. Souvent, je me posais la question de savoir si je l'aimais. À travers elle, j'en fuyais, j'en aimais d'autres, comme un acteur consciencieux et mal dirigé. Thank you. Vous êtes toujours sur le 100 FM Lost in Space Radioactive. Et qu'est-ce que l'on a maintenant après Farrakhet qu'on a écouté à l'instant et tous les extraits de Chérubins électriques de Guillaume Serpe? C'est donc maintenant l'heure du live sur Lost in Space. Et le live, c'est un très très bon groupe de punk rock classique qui s'appelle Anti-Flag. Live enregistré cette année, sorti en 2017, donc tout neuf, tout beau, tout bien enregistré. Et c'est parti maintenant tout de suite. Sisters, take great care of one another, respect one another, let's fucking go off and have a good goddamn time. How about myself, they gotta work to make a facts and a false charges, and what about the eyes and the filthy masses, people that the fact and the corporate choice of the public. Go off, man. This stage is your stage, all right? This song's called You Do the Same. We'll be right back. seem not to hit. That's why I jump. You do not say, whoa, whoa, whoa. You do not say, whoa, whoa, whoa. You do not say, yeah. Whoa, whoa, whoa. You do not say. Don't look down. You do not sin. Whoa, whoa, whoa. You do not sin. Whoa, whoa, whoa. You do not say it. Whoa, whoa, whoa. You do not sin. Whoa, whoa, whoa. No one. About everything punk rock, especially the fact that we take care of each other, and when we're down, we pick each other up. This song's called Fabled World. Hands up, hands up, hands up, hands up. We live in a fabled world, dreaming boys, what our girls, the freshest you get ever start. Times can break you. Torn apart. Joy, sorrow, genocide. love is here. Tell the tongue what you do, boy. Just don't understand. What the hell do you have with this? In the back is that inside said. When it's dead, but I'm eating online. You're only born so you can die. So you can die. So you can die. So you can die. She's shouting money. She's shouting truth. And I get on that day and night. There's nothing she could do. Got a miss at 17. Everyone wondered why. She had it all. She's been pretty. But alone it's not too dry. It's funny now. For the meaning of life. You're only born so you can die. So you can die. So you can die. So you can die. So the break! Yeah. For it now, for the minute of life. You're only born so you can die. For it now, for the minute of life. You're only born so you can die. So you can die. So you can die. So you can die. Die, die. So you can die. So you can die. So you can die. So you can die. You are fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Jesus Christ, our Savior's gift to you, Mr. Christopher Head. Money, bullshit, peace and rain. Pick me up fast, string up your head. Riots have a sword, get us fucking out of. Ladies and gentlemen, with the voice of an angel, with the prowess of a lion, with the facial features of a... He's talking about me, dude. With, he could go on all night if he wants to. With the facial features of a young Fabio. It is my honor and absolute privilege to give the next 5 seconds to my dearest friend, Mr. Justin Sin. Me, me, me, me, me. What a bunch of fucking shit! What y'all think? Fuck the bloody fuck you! Fuck the bloody fuck you! Fuck the flag, fuck you! Fuck the flag, fuck you! Fuck! Here's the flag, Andy, wasn't that your idea? Fuck you! Fuck the flag, fuck you! Fuck the flag, fuck you! Fuck the flag, fuck you! Fuck the flag! Someone falls down, pick him up! This entire building's a fucking circle pit right now! Broken doors and broken glass, broken hearts and broken heads living the life. Whoa. Close my eyes, try to make it last. I run the wretched memories of my past. It moves too fast. Oh, I got no chance. A great generation set to crash. Broken bones in broken glass. Broken hearts in broken heads. Living the life. Whoa. Broken bones in broken glass. Broken hearts in broken heads. Living the life. Whoa. Pointed, how did I get here? Cross my heart, say a fucking prayer. Goddamn prayer. A dusty tear, oh, we've all been here. It's broken drum, a gun steer. Broken bones and broken glass. Broken hearts and broken heads. Living the life. Whoa. Broken bones and broken glass. Broken hearts and broken heads. Living the life. Whoa, I saw me windy roads, leading us home. I never let you drown to keep our load. It flashes by and sends pain for me to say. Yet it's way that can go. So surrender, but never to surrender to. Broken bones and broken glass, broken hearts and broken heads. Live in the light. So now you're living. So now you're living. Broken bones and broken glass. Broken hearts and broken heads. Live in the night. Whoa. Broken bones and broken glass. Broken hearts and broken heads. Live in the night. Whoa. Close my eyes, try to make it last. I'll run the wretched memory. In 20 years, Los Angeles! In case you didn't get the memo, we are Anti-Flag from Pittsburgh, Pennsylvania! Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space sur Radioactive 100 FM. Nous avons eu le live, c'était Anti-Flag, enregistré cette année, live tout récent, de très bonne qualité, comme vous avez pu le constater. On continue maintenant en musique avec Sivhead. Le tout va être entrecoupé d'autres extraits littéraires. Parmi les contemporains favoris, j'ai choisi Michel Valprimi pour son livre Compost qui attaque avec un de ses interviews. Michel Valprimi, peut-être un des meilleurs poètes existants en France actuellement et sûrement l'un des plus inconnus. Allez, vous êtes bien sur Lost in Space Radioactive, ça continue. You'll be extra. Je voudrais que le ton général ait une saveur, un ton désuet comme le narrateur, mais sans tomber dans le passéisme. La chronologie va à reculons et par sauts. Les thèmes, les situations se répètent comme si chaque fois le calque avait bougé. Can you feel it? Je voulais d'une spontanéité, d'une écriture vive, gaillarde, au fil de la plume. Impossible, je suis un besogneux. Écrire un roman sur la lumière, la pénombre, n'était-ce pas trop ambitieux ? It's a killing spree. There's a beat on me that blows me into the vapor. I'm a fall. Slow and heal. Marengo, c'est la solitude totale, personne n'y vient, et la pénombre dont j'ai absolument besoin. Idéalement, la rencontre avec le soleil doit être aveuglante. 2, 3, 4. I said they didn't want me for notoriety. They took my money and they threw it away. You know it wasn't enough, that long application. It's a Dead Sea Scroll of masturbation. I'm hiding in a bar near Saint-Ambroise, perfecting my technique of espionage. Now I'm in lockdown, waiting patiently in the dark. I'm hiding out illegally from French officials, where I cannot be found, in La Ville Juif Underground. La Ville Juif Underground. La Ville Juif Underground. La Ville Juif Underground. Me and the boys have to shut all the damn blinds. Immigrants are jelly, fit control hasn't been kind. Tilted towards the stars, I put holes in it, I can see where the fuck is our man at the metro. Said he's been here for 6 years, and no one gives a shit that he swam all the way from Algiers. Now I'm in lockdown, there ain't no stars out in this neighborhood, just crooks and families. I'm peacefully content and I'm always around, sitting in the back cabin in La Ville Juif Underground. La Ville Juif Underground. La Ville Juif Underground. La Ville Juif Underground. Vous avez sollicité un visa de long séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour compétences et talents. Le consulat général de France à Sydney a examiné votre demande de visa. En référence aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa a été refusé au motif que votre notoriété n'est pas établie. Vous pouvez contester cette décision devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée de France, BP83-609-44-36 Nantes CEDEX 1, dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. Some folk who got to leave in the city of light. We don't like the Velvets, we prefer the Beach Boys. Drugs and drink, unique, big girl sex toys. I will forever remain tightly secured in a bunker where I cannot be found, like a man on the run chased by 1,000 invisible hounds. We are, and this is a sitcom theme song, for the Ville Juif Underground. The Ville Juif Underground. The Ville Juif Underground. The Ville Juif Underground. The Ville Juif Underground. The Ville Juif Underground. The Ville Juif Underground. The Ville Juif Underground. Relire Rimbaud m'a fichu un sacré choc. Que fait-on sinon redire cela ? Le kaléidoscope bouge encore et nous sommes là, toi et moi, parés de notre archaïsme vivant. Ce qui me plaît chez Gide, j'y reviendrai toujours, c'est cette volonté d'éclairer méthodiquement toutes ses facettes. Il ne se montre pas comme un bloc homogène.